geceler izini sürse de sen divize de kime sürüyor vize la vue sur ces plages danser le rage il est disparu. Et j'ai crié, crié à lui pour qu'elle vienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh j'avais sous le fait. J'ai mes assis après ces années, mes laves de dame, c'était l'infini. J'ai les asiles, sa bouche crade, et sa nuit espérée, pour me guérir. Et j'ai crié, crié, à lui, pour qu'elle vienne, et j'ai pleuré. J'ai dégagé qu'une série de visages, que mille femmes se savaient m'aimer. Et j'ai crié, crié à lui pour qu'elle vienne. Et j'ai pleuré, pleuré. Yeah.